Chapitre 156. La recommandation de multiplier le nombre de personnes assistant à la prière funèbre et de former au moins trois rangs. 932. D'après Aïcha, radiallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas un mort pour lequel un groupe d'au moins 100 musulmans n'intercède lors de sa prière funèbre sans que leur intercession ne soit acceptée. Muslim. 933. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: il n'est pas un musulman qui ne meurt et sur lequel au moins 40 personnes n'associant rien à Allah dans leur adoration n'accomplissent une prière funèbre sans qu'Allah n'accepte leur intercession en sa faveur. Muslim. 934. D'après Marfad ibn Abdillah al-Yazani, lorsque Malik ibn Hubayra, radiallahu anhu, s'apprêtait à diriger la prière sur un mort mais constatait que les fidèles étaient peu nombreux, il les répartissait en trois rangs avant de dire: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: l'entrée au paradis est acquise à celui sur qui trois rangées de fidèles accomplissent la prière funéraire. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 935.